La guerre des fourmis par Octave Justice. Chapitre 1er. Le vieux philosophe s'approcha de moi. À travers les bizarreries d'aspect d'un chercheur du Moyen-Âge, sa figure respirait cette joie calme, satisfaction d'un travail régulier, santé de l'esprit, et qui n'est pas sans beauté. Tout en suivant d'un pas lent et pensif les allées du jardin, il m'interrogea affectueusement. « Vous vous ennuyez, » me dit-il. L'ennui n'est que le manque de discipline, la mélancolie vieille comme l'humanité, et le vague regret d'une origine céleste. L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. La mélancolie relève l'âme, dont elle est le signe de noblesse. L'ennui en est la déchéance, il l'abaisse. C'est lorsque ces philosophes lui eurent appris à mépriser ses dieux et à perdre jusqu'au respect de lui-même, que l'homme, n'ayant plus ni croyance ni discipline, sentit le vide mortel de son être, maudit le sein de sa mère, et pareil au sépulcre blanchi dont parle l'Écriture, promena de misère en turpitude cet immortel ennui, la contagion du siècle. Le manque de régularité empêche tout travail, énerve toute force, gaspille tout esprit en sottise. Faites votre vie, réglez-la, vous vous reposerez sur votre œuvre, et c'est là le bonheur. Je sens combien vous avez raison, répliquai-je, en admirant votre robuste vieillesse toujours jeune grâce au travail. Mais mon mal n'est ni l'ennui ni l'inaction. Il s'appelle la misanthropie. Le spectacle des contradictions et des palinodies du monde, l'expérience de ses trahisons et de ses médiocrités haineuses, le dégoût de ses intrigues et de ses lâchetés, la constatation de mon isolement dans la foule et la nécessité de la méfiance et du qui-vive incessant m'ont inspiré un réel désespoir. Le monde a trop de haine et pas assez d'amour. Il faut être égoïste dans cette mêlée, et je ne saurais me résoudre à le devenir. Vous avez raison, mon ami. Mais croyez-moi, n'exagérez rien. N'imputez pas à votre semblable une méchanceté qui n'est peut-être que la loi fatale des nécessités naturelles. La durée de l'univers n'est qu'un échange de vie et de mort. Chaque seconde marque une destruction et un renouvellement. C'est ainsi que la création se perpétue à travers les âges. Dans l'ordre physique, à peine un corps a-t-il accompli sa destinée. La décomposition disperse ses éléments, et le corps voisin, en vertu d'une force supérieure, les absorbe et se les assimile. Les planètes plus petites sont les humbles satellites de leurs sœurs plus puissantes. La création est une hiérarchie tyrannique, et l'harmonie cosmique un flux et reflux d'attraction et de répulsion, d'asservissement et de révolte. Dans l'ordre social, du plus petit au plus grand, la même loi règle les gouvernements et les sujets, les révolutions, les guerres, les représailles. Examinez autour de vous. À chaque pas, vous foulez un petit peuple souvent invisible, dont votre orgueil dédaigne l'humilité. Regardez-le de près. Vous y trouverez l'image de la société des hommes, et ce spectacle peut-être, s'il ne vous console point, du moins vous donnera-t-il quelque résignation aux résolutions mystérieuses de la Providence. Je pensais aux fourmis, et fit part au philosophe des observations que j'avais pu faire moi-même sur ce petit monde si curieux. « Prenons les fourmis, si vous voulez, » me répondit-il. « La grande variété des espèces qui composent cette race rendra plus frappant le rapprochement avec les hommes divisés en peuples jaloux les uns des autres. Les fourmis offrent en exemple nos qualités, nos défauts, nos dévouements, nos crimes. Elles ont de tribu à tribu leur diplomatie et leur guerre. Si, plus heureuses que nous, elles sont à l'abri du socialisme et de l'international. Je ne suis pas bien sûr qu'elles n'aient point leur équilibre européen et leur question d'Orient. En tout cas, elles font preuve d'héroïsme dans les combats, de vertu dans la vie civile, d'industrie et d'art dans leurs établissements. Elles possédaient des cités ouvrières avant que nos économistes les eussent inventées. Elles ont même et pratiquent ce qui par-dessus tout caractérise l'être de sagesse, la prévoyance. Quant au terrible problème qui menace les sociétés modernes, le paupérisme, elles l'ont résolu par une coutume qui paraîtra brutale, mais qui fut la base des républiques de l'Antiquité, qui a soulevé les plus graves conflits dans l'époque contemporaine, qui révolte la charité chrétienne, qui a suscité des guerres terribles, dont le fond cependant ne pourra jamais être détruit, qui semble enfin exister originairement dans toute la nature, l'institution de l'esclavage. Les fourmis font la traite des nègres. Je me récriai. Le philosophe consulta sa montre. 4 heures. fit-il, voici le moment. Venez avec moi, vous jugerez par vous-même. » C'était en été dans un parc situé aux portes d'une petite ville de l'extrême midi. Juillet rayonnait dans la splendeur implacable de la canicule. À cette heure, cependant, une brume légère, ramenée des sommets des Pyrénées par les souffles du soir, commençait à adoucir les embrasements de l'horizon. Les plantes inclinées relevaient peu à peu leurs tiges languissantes, comme pour chercher sous la voûte feuillue des vernis du Japon les vapeurs éparses, dont elles s'abreuvent avec délices. Nous traversâmes une allée bordée de massifs de lilas émaillés de roses grimpantes, pour arriver bientôt devant un carré du verger, rendu presque inculte par la sécheresse. « C'est là, me dit mon guide. Les fourmis ont établi plusieurs acropoles, et depuis 15 jours, à 7 heures, commence ici pour moi le spectacle le plus instructif et le plus attrayant. J'ai découvert sous ces touffes de fraisiers, là, à droite, une république de fourmis rousses. Ce sont les Prussiens de la race. La fourmi rousse est intelligente, ambitieuse, patiente, avare, courageuse jusqu'à la férocité, voleuse et barbare. Joignez-y les plus mauvais instincts de matérialisme et de jouissance. Peuplade guerrière, vivant de rapines. Pendant que ces bandes de truands sont au dehors à exécuter des marches militaires, à livrer bataille ou à exercer le pillage, il faut bien que des ilotes s'occupent de l'entretien de la cité et préparent le brouet noir commun. C'est pourquoi les fourmis rousses ravissent, non pas des congénères déjà éduqués et qu'il serait impossible d'habituer à leur vie d'esclave, mais des larves de fourmis étrangères qui seront élevées dans cette république spartiate et facilement dressées à l'esclavage. Aussi se livrent-elles à ces raptes d'enfants à l'époque où les larves sont suffisamment avancées pour ne plus exiger le soin et s'adressent-elles de préférence aux tribus dont l'humeur est pacifique et les instincts domestiques. Ce sont les fourmis brunes, aux corselets allongés et ternes. Les grosses noires, au ventre luisant, sont des aristocrates militaires qui pourraient châtier trop cruellement les rousses de leur audace, et dont le naturel se révolterait toujours contre l'asservissement. Mais ces bonnes noires ne se trouvent pas aisément. Il faut envoyer de nombreuses reconnaissances, faire des battues fréquentes, souvent sans succès. Depuis 8 jours, les guerriers de la fourmilière que voici font colonne tous les soirs. Leur expédition dure parfois 2 et 3 heures. Il paraît qu'ils n'ont encore rien trouvé. Il est donc probable que nous les verrons ce soir organiser une nouvelle battue. Tenez, l'agitation se manifeste parmi les fourmis. Évidemment, leurs tambours et leurs clairons ont donné des signaux qui nous échappent. Nous allons assister à la revue et au départ. Chapitre 2e. Le mouvement se multipliait autour de la fourmilière. Sa gueule étroite dégorgeait des multitudes de roussâtres, dont la cohue encore désordonnée s'agitait avec des bruissements de broussailles. Cependant, l'ordre se fit et la colonne se forma. Plus de 3 000 fourmis se massaient sur 2 ou 3 de front, en bandes serrées, presque impénétrables. Généraux, capitaines, tout un état-major circulait sur le front de Brandière. Les aides de camp allaient et venaient sur les flancs, transmettant aux diverses compagnies les ordres des ingénieurs qui constituaient le génie et le conseil de guerre. Les vieilles esclaves noires, produits des raptes des années précédentes, sortaient à leur tour, diligentes, pleines de sollicitude, exhortaient, pressaient les guerriers chargés d'aller porter la désolation dans la mère patrie que l'asservissement leur avait fait oublier. Elles caressaient les conscrits élevés par leurs soins, frottant leurs mandibules et leurs antennes contre leurs corselets pour leur donner les dernières recommandations, s'assurer que tout allait bien, les enduire d'acide formique, comme d'une égide, tel que Virgile dépeint la mère d'Aristée versant sur son fils les parfums enchantés qui donnent au corps une robustesse divine. Cependant, les éclaireurs se mirent en marche, prudents et précautionneux, tâtant le terrain, s'orientant parmi les broussailles, les brins de paille, les pierres, les crevasses, qui constituaient pour ces êtres minuscules des forêts, des montagnes, des ravines, des précipices effroyables. De cette avant-garde formique, les uns étaient évidemment des ingénieurs, les autres des sapeurs chargés de déblayer et de tracer le chemin, d'autres enfin des soldats, dont la mission était de protéger le travail et la marche des éclaireurs. Pour plus de certitude et de facilité dans la découverte de la fourmilière des brunes, les généraux leur avaient adjoint un détachement de vieilles esclaves dont l'instinct devait guider les ingénieurs dans leurs recherches. Ainsi, les parents devaient livrer les parents. À quelque distance derrière cette première escouade, s'ébranla le gros de l'armée, avec un long frémissement qui se propageait de proche en proche. La colonne avançait compacte, allongée, infatigable, incessante. Les officiers couraient sur les flancs pour maintenir l'ordre, empêcher les désertions, ramener les maraudeurs, encourager les faibles, aiguillonner les lâches. En tête marchaient les généraux, réglant l'allure, reconnaissant le chemin aux traces d'acide formique laissées dans la poussière par l'avant-garde. Parfois, on arrivait à un passage plus difficile. Le vent avait dispersé les points de repère. Un insecte plus fort avait, dans sa flânerie ou sa course folle, fait disparaître l'âcre fluide. Les chefs alors s'arrêtaient. Des aides de camp transmettaient aux escadrons l'ordre de faire halte. L'armée reprenait haleine quelques instants, puis se remettait en marche. À quelques distances plus loin, suivait l'arrière-garde. La lourdeur orageuse du temps alanguissait tous les êtres. Pas une haleine n'agitait la feuillée. La brume, en s'épaississant sous le soleil, avait laissé subsister la chaleur et étouffé tout souffle d'air. Il n'était guère probable que les fourmis brunes fussent en campagne, et si quelqu'une de leurs cités se trouvait dans les environs, les agresseurs avaient de grandes chances pour les surprendre à l'improviste. Cette marche dura une demi-heure. De loin en loin, deux ou trois fourmis, sans doute les fortes marcheuses, se détachaient de l'avant-garde pour venir transmettre un avis aux conducteurs de la colonne et se concerter avec eux. Cette conférence, faite au moyen des antennes, durait quelques minutes, pendant lesquelles l'armée faisait encore halte, mais sans interrompre son ordre de campagne. Pendant cette première partie de l'expédition, mon vieux philosophe et moi, nous allions du corps d'envahissement à la fourmilière, curieux de ce qui s'y passait dans une attente si grave. En effet, les esclaves brunes avaient interrompu tout travail, et comme à Rome, dans les moments de tumultueuse gallicus, se tenaient aux abords de la cité souterraine, conversant par groupes inquiets, pareils à des citoyens sur le forum, attendant avec anxiété les nouvelles de la bataille dont dépend le salut de la patrie. Mais bientôt notre curiosité fut absorbée entièrement par ce qui se passait à l'armée. Celle-ci avait quitté le carré de vergers qu'elle venait de couper de biais, avait franchi l'allée, et s'était engagée dans le carré voisin, tout aussi inculte, mais dont le sol moins aride avait permis aux chardons et aux herbes sauvages de pousser en toute prospérité. La marche devenait pour les fourmis plus pénible et plus lente. Cependant, leurs sombres colonnes serpentaient toujours, contournant tous les obstacles, franchissant les abîmes de 20 lignes sur un brin de chien-dent, gravissant les grains de sable, rampant sous les feuilles immobiles, opiniâtre, acharné, implacable, avec son frémissement menaçant. À ce moment, la tête de colonne se trouva devant des obstacles plus sérieux. Le jardinier avait bêché le matin même cette partie du carré, et chaque motte de terre représentait pour les bataillons formiques des montagnes plus infranchissables que les Alpes ne durent paraître à Hannibal. On fit halte et l'on délibéra. La situation était critique. Tout à coup, par une gorge de roncevaux, que formait l'élévation de 2 pieds de fraisier retourné, la racine en l'air, débouchèrent 2 fourmis détachées de l'avant-garde. Elles accouraient ventre à terre, agitant leurs antennes avec tous les signes de l'émotion. Elles allèrent droit aux commandes de l'expédition et leur communiquèrent leurs renseignements en quelques frottements de mandibules énergiques et expressifs, puis se tinrent à l'écart, reprenant des forces pour une nouvelle course. Les chefs avaient eux-mêmes transmis, sans perdre de temps, la nouvelle et leurs ordres aux officiers subalternes. Ceux-ci firent exécuter les manœuvres. En un clin d'œil, ce fut une incroyable mêlée parmi les fourmis. Elles allaient de l'une à l'autre, se parlaient, se croisaient, embrouillaient en tous sens leurs bataillons et leurs compagnies. Des bandes s'organisaient et, par d'habiles contre-marches, passaient et repassaient en toutes directions, chacune des fourmis pesant sur son train de derrière, de manière à laisser sur leur passage une forte traînée d'acide formique, et donner ainsi le change sur la vraie direction de l'armée à l'ennemi s'il survenait, ou aux maraudeurs voisins s'ils voulaient jouer le rôle du 3e larron. Quand toutes ces précautions eurent été prises, la colonne se reforma. Les 2 estafettes venues de l'avant-garde prirent la tête et servirent de guide. On avançait avec précaution. Enfin, le défilé périlleux fut franchi. On approchait probablement de la fourmilière ennemie. En effet, l'armée des Rousses s'arrêta une seconde fois. Mais cette halte ne fut pas de longue durée. Les 2 guides tâtaient le terrain avec leurs antennes pour reconnaître la piste et s'orienter. Quand ils furent sûrs de leur route, la colonne se divisa en 2 corps d'investissement, dont chacun suivit un des guides et prit une direction différente. J'en demandai la raison à mon ami le philosophe. « C'est, me dit-il, que la fourmilière a deux issues. Il s'agit d'éviter que les fourmis brunes puissent emporter leurs larves par une ouverture, tandis que les rousses entreraient par l'autre et y seraient arrêtées le temps nécessaire au sauvetage des nourrissons. Quoique de nature plus pacifique que belliqueuse, ces pauvres fourmis brunes pousseraient le dévouement à leurs enfants et à la fortune commune jusqu'au martyre. Elles se feraient tuer une à une à l'entrée de la cité pour permettre à leurs sœurs d'émigrer avec leurs précieux fardeaux. Les rousses le savent bien, et c'est en quoi le concours des anciennes esclaves leur est précieux pour découvrir et bloquer simultanément les deux ouvertures. Mais nous sommes arrivés. Voici une des portes de la fourmilière. L'autre doit s'ouvrir sous ses feuilles de mauve. En effet, la voyez-vous ? Tout sort. Les fourmis sont sans méfiance. L'avant-garde des envahisseurs repose et guette, dissimulée aux environs. Ah ! Voici venir un des corps expéditionnaires. J'aperçois l'autre de ce côté. Le drame commença. Chapitre 3e. Le roi dit, de leur tanière, chassons les braves amis. Dieu combat sous nos bannières, gloire immortelle aux fourmis. Investissement, assaut, pillage, retraite furent instantanés. Ces fourmis ont la tactique des grands capitaines, frappez vite. Ce fut celle de Frédéric II. C'était celle de Napoléon Ier. Après les Américains de la guerre de Sécession, M. de Moltke lui a dû d'avoir pu surprendre la France. C'est celle des fourmis rousses, sa bahote. Tel que le banc des barbares commandé par Attila, le flot envahisseur s'engouffre d'une seule trompe dans les profondeurs de la cité souterraine. Pas de démonstration, pas de vaine fanfare. J'imaginais seulement avoir l'allure féroce et la cadence précipitée des bataillons se ruant dans l'inconnu ennemi, qu'il devait s'enlever par quelques bandits farouches. Formicolox, Formicolox, nous avons combattu avec les mandibules. Nous avons mordu les ventres ennemis avec nos crocs à deux tranchants. L'acide formique ruisselait le long des corselets et empoisonnait les blessures. Les esclaves se réjouissaient dans nos galeries souterraines. Les nécrophores grinçaient de joie. Toute la fourmilière n'était qu'une plaie. Nous emportions les larves, espoir de leur cité, les jeunes fourmis aux cuisses blanches délicatement emmaillotées. Les fourmis brunes étaient dévorées dans leurs entrailles par la douleur. Les mères ont pleuré longtemps. Formicolox, Formicolox, nous avons combattu avec les mandibules. Ainsi chantaient silencieusement les milliers de fourmis. Leurs escadrons roulèrent cette marche guerrière, tête contre tête, haussant et abaissant leurs antennes, essayant leurs terribles mandibules, et sur les corselets luisait le redoutable caustique dont le fluide est à la fois leur égide et leur âme. Quelle horreur, cependant, devait tenir suspendus les malheureux petits êtres dans les boyaux profonds de la colonie troglodyte. Le roulement lointain des myriades ennemies, précipitant leur cadence sur la voûte de la fourmilière, résonnait longuement en rumeurs lugubres dans les ténèbres des galeries. Les rousses. Cette alarme traversant le silence habituel avait dû, plus rapide que la foudre, porter la désolation jusqu'aux cavités les plus reculées de la cité. Les anciens se réunissent, oubliant tout ordre et tout décorum, la tête perdue. Les orateurs augmentent le trouble en pérorant au carrefour. Les nourrices de la République se précipitent vers la salle sacrée, située au centre de la fourmilière comme un temple et un capitole, où réside l'esprit même de la patrie. Cependant, un gros de volontaires se jette à l'entrée principale, décidé à mourir pour gagner du temps, suivi des bénédictions et des prières des vieillards. Précaution vaine, dévouement inutile. L'inondation sauvage a déjà envahi les moindres fissures de la cité formique. Les jeunes guerriers gisent à l'entrée. Les sénateurs sont foulés aux pieds, les nourrices éventrées, enlevées les larves. Nous voyons les bandes rapaces des rousses ressortir précipitamment, chacune tenant une larve entre ses mandibules. Celles des esclaves qui avaient accompagné l'avant-garde entouraient les premières qui ressortirent et se livraient en les escortant à mille démonstrations de joie. Ce n'était pas seulement l'exaltation du triomphe et l'orgueil enivré de leur patrie d'adoption qui les transportait. C'était l'instinct naturel qui remuait leurs entrailles de nourrice à la vue de ces embryons mystérieux, emmaillotés comme dans un linceul, et qui deviendraient, par leurs soins, des individus de leur même espèce et de leur même famille. C'était la vie qui passait, et l'ombre de la mort était dans son vol. L'enlèvement et le carnage ne prirent pas 5 minutes. En un rien de temps, l'armée des rousses avait disparu, regagnant sa capitale en toute hâte. Quelle agonie épouvantable pour les pauvres brunes que ces minutes-là. Nous assistâmes à des traits d'héroïsme et de dévouement, comme ceux des femmes sabres dont l'histoire fait tant de pompe. Des nourrices s'accrochaient aux pattes des ravisseurs pour retarder leur marche, supportaient vaillamment le martyre sans lâcher prise, et jusque dans la mort, restaient cramponnés à leur ennemi pour lui faire une entrave de leur cadavre. D'autres cherchaient à fuir ce lieu d'horreur avec une des larves précieuses. J'en avais une qui venait de recevoir une blessure mortelle. Elle trouva encore la force d'enfoncer ses mandibules dans le ventre d'une rousse et de lui arracher la nymphe qu'elle emportait. Elle-même se traîna avec son trésor jusqu'à ce qu'elle rencontrât une congénère et que, lui remettant la petite fourmi, elle put mourir aux portes de sa ville désolée. Le soleil descendait à l'horizon. L'orage s'épaississait. La solitude se fit autour de la fourmilière des brunes. Les survivantes achevèrent de traîner les cadavres en lieu sûr. On enleva les rares nymphes laissées par les rousses, et la funèbre petite bande s'éloigna des ruines d'Ilion pour chercher ailleurs un asile ignoré ou fonder une colonie nouvelle. Nous allâmes à la fourmilière des rousses. Elle était en fête. Les esclaves brunes se mêlaient au groupe des guerriers et partageaient leur ivresse. Un arc triomphal de paille voit rentrer le roi vainqueur, et la foule qui travaille à jeun le salue en cœur. Puis un pindare en extase lance une ode aux ennemis. Les fourmis aiment l'emphase, gloire immortelle aux fourmis. Tout enivré de sublime, le barde ajoute ses vers. Des temps je franchis l'abîme, fourmis à nous l'univers. Nous saurons que nul n'en doute, ce globe une fois soumis, des cieux nous ouvrir la route, gloire immortelle aux fourmis. Chapitre 4e. Eh bien, me dit le vieux philosophe, que pensez-vous de la leçon donnée par ces Amazones ? J'y vois que le mal existe partout, et que l'imperfection n'est pas l'apanage de l'homme. Mais les animaux n'ont que de l'instinct, tandis que nous, nous avons une âme. Si nous sommes malheureux, c'est sans doute que nous le voulons bien. La bonté est à Dieu, et la bêtise est à l'homme. C'est une vieille vérité. Ainsi s'achève La guerre des fourmis par Octave Justice.